Section 32. Des essais sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième discours, deuxième partie, suite. L'apostasie du cousin de Constance, d'abord soigneusement cachée à la foule, fut donc connue d'un petit nombre de philosophes et de prêtres qui attendaient la réhabilitation des anciens jours comme des hommes étrangers au monde où ils vivent, rêvent parmi nous l'impossible retour du passé. Cependant, le secret du changement de Julien ne put être si bien gardé qu'il n'en transpira quelque chose au dehors. Il nous reste une lettre de Gallus, de l'an 351 ou 352, dans laquelle le César fait mention des bruits répandus dans Antioche. « On prétendait, écrit-il à Julien, alors en Ionie, que vous aviez abandonné la religion de nos ancêtres pour embrasser l'hellénisme. Mais j'ai été promptement détrompé. Eutychius m'a dit que vous étiez au contraire plein de zèle pour bâtir des oratoires et que vous vous plaisiez au tombeau des martyrs. Gallus appelle le christianisme la religion de ses ancêtres, Saint Grégoire de Nazianze le nomme l'ancienne religion. Que le monde romain ait changé, combien avait été rapide la conquête de l'Évangile. Mais si le christianisme avait fait de pareils progrès extérieurs, le développement de sa puissance intérieure n'était pas moins étonnant. Déjà, l'on pouvait reconnaître son caractère universel, non seulement dans le sens de sa diffusion parmi les peuples, mais dans le sens de sa convenance avec les diverses facultés de l'homme. Le voilà expliquant à l'aide du plus beau langage les idées les plus sublimes, ce christianisme qui fut prêché par des esprits obtus, de grossiers compagnons sans éducation et sans lettres. Comment Pierre le pêcheur avait-il produit Grégoire le poète, Basile le philosophe, Jean Bouche d'Or l'orateur? C'est que Jésus le Christ était derrière Pierre l'apôtre, et que le Verbe incréé contenait la vertu de la parole humaine. Fils de Dieu, source de toutes lumières et de tout bien, il les distribuait à ses serviteurs en proportion des besoins successifs de la société, donnant à propos la simplicité et l'éloquence, la force des mœurs ou les clartés de l'esprit. De cette croix si rude, de ce bois qui ne présenta d'abord à l'adoration de l'univers qu'un gibet et un condamné, découlèrent graduellement les perfections de l'essence divine. Julien, parvenu à l'Empire, publia un édit de tolérance universelle. Les évêques et les prêtres, à quelque communion qu'ils appartinssent, ariens, donatistes, novatiens, eunomiens, macédoniens, catholiques, furent également protégés par celui qui les méprisait tous et qui espérait les affaiblir en les divisant. Néanmoins, il fait lui-même observer qu'il rappela les évêques exilés à leur foyer, non à leur siège. Il assemblait les chefs des sectes, et quand ils s'emportaient, il leur criait « Écoutez-moi, les Francs et les Alamans m'ont bien écouté ». Dans ses lettres, il recommande la modération envers les chrétiens, mais c'est en grimaçant qu'il conserve l'impartialité philosophique. Sa haine perce à travers sa tolérance affectée et lui arrache des mots sanglants. Athanase, par une préférence méritée, fut excepté de l'amnistie de Julien. Il serait dangereux, dit l'apostat dans sa lettre aux habitants d'Alexandrie, de laisser à la tête du peuple un intrigant, non pas un homme, mais un petit avorton sans valeur, qui s'estime d'autant plus grand qu'il appelle plus de dangers sur sa tête. Et dans une lettre à Ectitius, préfet d'Égypte, Julien ajoute « Les dieux sont méprisés, chassez le scélérat Athanase, il a osé sous mon règne conférer le baptême à des femmes grecques d'une naissance illustre ». Eunape ne nous laisse aucun doute sur la sincérité religieuse de Julien. Il suffit d'ailleurs de lire ce qui nous reste des ouvrages de cet empereur, aussi singulier comme homme qu'extraordinaire comme prince, pour se convaincre qu'il était païen de bonne foi. Il avait pris dans les initiations et les sociétés secrètes un degré d'enthousiasme qui allait jusqu'à interpréter les songes et à croire aux apparitions. Au lever et au coucher du soleil, il immolait une victime à Apollon, sa divinité favorite. Il croyait à la trinité des platoniciens. Le soleil était pour lui le Logos, le fils du Père souverain, le Verbe brûlant qui inspire la vie à l'univers. La nuit, Julien honorait la lune et les étoiles, auxquelles s'unissent les âmes des héros. Dans les grandes solennités, il aimait à jouer le rôle du sacrificateur et d'aruspice. le beau spectacle que de voir l'empereur des Romains fendre le bois, égorger les victimes, consulter leurs entrailles, souffler le feu des autels en présence de quelques vieilles femmes, les joues bouffies, excitant la risée de ceux-là même dont il désirait s'attirer les louanges. Au fait de Vénus, il marchait entre deux troupes de prostituées de l'un et de l'autre sexe, affectant la gravité au milieu des éclats de rire de la débauche, élargissant ses épaules, portant en avant sa barbe pointue, allongeant de petits pas pour imiter la marche d'un géant. Saint Chrysostome doute que la postérité veuille croire à son récit. Il adjure de la vérité de ses paroles les vieillards qui l'écoutaient et qui pouvaient avoir été témoins de ses indignités. L'empereur faisait toutes ces choses comme souverain pontife, dignité attachée chez les Romains à la souveraineté politique. Il épuisait l'État pour les frais d'un culte que rien ne pouvait rétablir, il offrait en holocauste des oiseaux rares, 100 bœufs étaient quelquefois assommés à un seul autel dans un seul jour. Les peuples disaient que s'il revenait vainqueur des Perses, il détruirait la race des taureaux. Il ressemblait en cela, selon la remarque d'Amien Marcellin, au César Marcus, à qui les bœufs blancs avaient écrit ce billet « Les bœufs blancs, au César Marcus, salut, c'est fait de nous, si vous triomphez ». De magnifiques présents étaient prodigués par Julien au sanctuaire célèbre, à Dodone, à Delphes, à Délos. En arrivant à Antioche, son premier soin fut de sacrifier sur la cime du mont Cassius. Il apprit avec une sainte joie que le gouverneur de l'Égypte avait retrouvé le bœuf Apis. Il fit déboucher à Daphné la fontaine Castali, mais en visitant ce lieu renommé par sa beauté, il eut un grand sujet de douleur. Le bois de lauriers et de cyprès n'était plus qu'un cimetière chrétien. Gallus y avait déposé le corps de saint Babylas. « Je me figurais d'avance, dit Julien, une pompe magnifique. Je ne rêvais que victimes, libations, parfums, cœurs de beaux enfants, dont l'âme était aussi pure que leur robe était blanche. J'entre dans le temple, je n'y trouve ni encens, ni gâteaux, ni victimes. J'interroge le prêtre, je demande ce que la ville sacrifiera aux dieux dans cette fête solennelle. Voici une oie que j'apporte de ma maison, me répondit-il. Les temples détruits par le temps ou par les chrétiens furent réparés. Julien fut le Luther païen de son siècle. Il entreprit la réformation de l'idolâtrie sur le modèle de la discipline des chrétiens. Plein d'admiration pour la fraternité évangélique, il désirait que les païens se liassent ainsi d'un bout de la terre à l'autre. Il voulait que les prêtres de l'hellénisme eussent la vertu des prêtres de la croix, qu'ils fussent comme eux irréprochables, que comme eux ils prêchassent la pitié, la charité, l'hospitalité. Il ordonna des prières graves et régulières à heure fixe, chantées à deux chœurs dans les temples. Enfin, il se proposait de fonder des monastères d'hommes et de femmes et des hôpitaux. Ne devons-nous pas rougir que les Galiléens, ces impies, après avoir nourri leurs pauvres, nourrissent encore les nôtres, laissés dans un dénuement absolu. Saint Grégoire de Nazianze remarque que ces imitateurs des chrétiens ne se pouvaient appuyer de l'exemple de leur Dieu et qu'il y avait contradiction entre leur morale et leur foi. Le zèle que Julien avait pour le paganisme, il l'avait pour la philosophie. Il aimait un rhéteur de la même tendresse qu'il chérissait un augure. Lors de sa rupture avec Constance, il s'était flatté que Maxime accourrait dans les Gaules. Il revenait de sa dernière expédition d'outre-Rhin. Il demandait partout, chemin faisant, si quelque philosophe n'était point arrivé. Il avise de loin un cynique, il le prend pour Maxime, il est ravi de joie, ce n'était qu'un autre philosophe ami de Julien. Ne croit-on pas voir un empereur chrétien humiliant sa pourpre devant un anachorète ou un chevalier de la croisade baisant la manche de Pierre l'ermite? Mais Julien ne fut pas plus heureux avec les philosophes qu'avec les prêtres. Ils se corrompirent à la cour, Maxime et quelques autres sophistes acquirent des fortunes scandaleuses. Ils démentirent par leurs mœurs la rigidité de leur doctrine. Chrysante, Libanius et Aristomène se tinrent seuls dans une louable réserve. Julien avait eu saint Basile pour compagnon d'études à Athènes. Il essaya de l'attirer auprès de lui. Le philosophe chrétien, dans sa solitude, repoussa l'amitié du philosophe païen sur le trône. Aussitôt, dit saint Chrysostome, rudement traduit par Tillemont, aussitôt que Julien eut publié son édit pour le rétablissement de l'idolâtrie, on vit accourir de toutes les parties du monde les magiciens, les enchanteurs, les devins, les augures et tous ceux qui faisaient métier d'imposture et d'illusion, de sorte que tout le palais se trouvait plein de gens sans honneur et de vagabonds. Ceux qui depuis longtemps étaient réduits à la dernière misère, ceux qui pour leurs sorcelleries et maléfices avaient langui dans les prisons et dans les minières, ceux qui traînaient à peine une misérable vie dans les emplois les plus bas et les plus honteux, tous ces gens érigés en prêtres et en pontifes, se trouvaient en un instant comblés d'honneur. L'empereur, laissant là les généraux et les magistrats, et ne daignant pas seulement leur parler, menait avec lui par toute la ville des jeunes gens perdus de débauches et des courtisanes qui ne faisaient que sortir des lieux infâmes de leur prostitution. Le cheval de l'empereur et ses gardes ne le suivaient que de fort loin, pendant que cette troupe infâme environnait sa personne et paraissait avec le premier rang d'honneur au milieu des places publiques, disant et faisant tout ce qu'on peut attendre de gens de cette profession. L'apostasie conduisit Julien au fanatisme et du fanatisme à la persécution. Quand l'homme a commis une faute qu'il suppose irréparable, l'orgueil lui fait chercher un abri dans cette faute même. Julien essaya deux choses difficiles, réchauffer le zèle des idolâtres pour un culte éteint, provoquer des chutes parmi les chrétiens. Embaucheur de la cupidité et de la faiblesse, il offrait de l'or et des honneurs à l'apostasie. Il échoua contre la foi fervente et contre la foi tiède. Lui-même se plaint de ne trouver presque personne disposé à sacrifier. Il avoue que son discours hellénique au Sénat chrétien de Béret, loué pour la forme, n'eut aucun succès pour le fond. Il gourmande les habitants d'Alexandrie d'abandonner les dieux d'Alexandre pour un verbe que ni eux ni leurs pères n'ont jamais vu. Chrysante usa de modération envers les chrétiens, prévoyant que leur culte ne tarderait pas à triompher. L'ancien monde et le monde nouveau repoussèrent Julien. L'un, dans sa décrépitude, eut vainement essayé de se redresser comme un jeune homme. L'autre, adolescent vigoureux, ne se put rabougrir en vieillard. La mission du César apôtre auprès des soldats eut le sort qu'elle devait avoir dans les camps. Il ordonna aux officiers de quitter la foi ou l'épée. Valentinien déposa la dernière, qui lui laissa la main libre pour saisir la couronne. Quant aux légions, celles de l'Occident, composées de Gaulois et de Germains, s'accommodèrent fort du vin, des hécatombes et des bœufs gras. On laissa aux légions de l'Orient le labarum, mais on effaça le monogramme du Christ. L'idolâtrie se trouva cachée dans une confusion lâche et habile des emblèmes de la guerre et de la royauté. L'empereur résolut de rebâtir le temple de Jérusalem afin de confondre une prophétie sur laquelle les chrétiens s'appuyaient. Des globes de feu, s'élançant du sein de la terre, dispersèrent les ouvriers. L'entreprise fut abandonnée, elle était peu digne d'un esprit philosophique. Dernier témoin de l'accomplissement des paroles du maître, j'ai vu Jérusalem, non relinquetur lapis super lapidem. Enfin, Julien défendit aux fidèles d'enseigner les belles lettres. C'était surtout par les enfants que l'Évangile s'emparait des pères. « Laissez les petits venir à moi. » Ou « N'expliquez point, disait l'empereur dans son édit, les écrivains profanes, si vous condamnez leur doctrine, ou, si vous les expliquez, approuvez leurs sentiments. Vous croyez qu'Homère, Hésiode et leurs semblables sont dans l'erreur, allez expliquer Matthieu et Luc dans les églises des Galiléens. » Les maîtres chrétiens, privés des chairs d'éloquence et de belles lettres, eurent recours à un moyen ingénieux pour prouver qu'ils n'étaient point des rustres, obligés de se tenir dans la barbarie de leur origine, comme disait Julien. Ils composèrent, et l'usage en fut continué, sur des thèmes de morale et de théologie, et sur des sujets tirés de l'histoire sainte, des hymnes, des idylles, des élégies, des odes, des tragédies et même des comédies. Il nous reste bon nombre de ces poèmes qui ouvrent des routes nouvelles au talent, appliquent l'art des vers aux aspérités de la haute métaphysique et plient la langue des muses aux formes des idées, comme elle l'avait été de tout temps à celle des images. Ce coup fut pourtant rude aux chrétiens. Les beaux génies qui combattaient alors pour la foi auraient mieux aimé subir une persécution sanglante. ils ne s'en peuvent taire, ils reviennent sans cesse sur cette iniquité, et comme le siècle au milieu des barbares armées était philosophique et littéraire, les païens même n'applaudirent pas à l'ordre de Julien, Amiens le traite d'injuste. Les controverses religieuses ou politiques commencent ordinairement par les écrits et finissent par les armes. Il en fut autrement lors de la Révolution qui a fait voir le premier et l'unique exemple d'un changement complet dans la religion nationale d'un grand peuple civilisé. On tua d'abord les chrétiens dans 10 batailles rangées, les 10 persécutions générales, et les chrétiens livrèrent leurs têtes sans essayer de se défendre par la force. Mais ils sentirent de bonne heure la nécessité d'écrire pour affirmer leur innocence et assurer leur foi. C'est au christianisme que l'on doit la liberté de la pensée écrite. Elle coûta cher à ceux qui en firent la conquête, on dédaigna d'abord de leur répondre autrement qu'avec des griffes de fer et les ongles des lions. Quand l'évangile eut gagné la foule, le polythéisme, obligé de renoncer à la guerre de l'épée, accepta celle de la plume. L'idolâtrie se réfugia aux deux extrémités opposées de la société, les ignorants et les gens de lettres. Les philosophes, les rhéteurs, les poètes, les grammairiens tinrent ferme au paganisme avec les hommes rustiques, les premiers par orgueil de la science, les autres par la privation de tout savoir. Depuis le IIIe siècle de l'ère chrétienne jusqu'à l'abolition complète de l'idolâtrie, vous n'ouvrez pas un livre de philosophie, de religion, de science, d'histoire, d'éloquence, de poésie, où vous ne trouviez le combat des deux religions. Sous Julien, vous rencontrez Libanius, Edésius, Priscus, Maxime, Sopâtre, orateurs et sophistes, Andronique et Delphide, poètes, Amiens Marcellin et Aurelius, Victor, historien, Mamertin, panégyriste, Oribase, médecin, et Julien lui-même, orateur, poète et historien, tous combattants contre Athanase, Basile, les deux Grégoire de Nice et de Nazianze, Diodore de Tars, orateur, philosophe, poète, historien, Césarius, médecin et frère de Grégoire de Nazianze, Proérésius, rhéteur, lequel aima mieux abandonner sa chair à Athènes que d'être excepté de l'édit qui défendait aux chrétiens d'enseigner. Julien préluda aux persécutions qu'il méditait par une espèce d'apologie du paganisme. En innocentant ses dieux et en condamnant le dieu qu'il avait quitté, il justifiait indirectement son apostasie. Au milieu des soins qu'exigeait de lui son empire, il trouva le temps de dicter l'ouvrage dont saint Cyrille nous a conservé une partie dans la réfutation qu'il en a faite. Julien remonte jusqu'à Moïse, compare son système sur la création du monde à celui de Platon et donne la préférence au dernier. Dieu, après avoir fait l'homme, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et il crée la femme qui perd l'homme. Que penser du serpent qui parle? Dans quelle langue parlait-il? Comment se moquer après cela des fables populaires de la Grèce? Dieu interdit à nos premiers parents la connaissance du bien et du mal. Il leur défend de toucher à l'arbre de vie dans la crainte qu'ils viennent à vivre toujours. Blasphème contre Dieu ou allégorie, alors pourquoi rejeter les mythes philosophiques? Dieu choisit pour son peuple les Hébreux. Comment un Dieu juste a-t-il abandonné toutes les autres nations? Chez les Grecs, le Dieu créateur est le roi et le père commun des hommes. Julien remarque qu'il y a peu de nations dans l'Occident propres à l'étude de la philosophie et de la géométrie. Les temps sont bien changés. Vous voulez que nous croyions à la tour de Babel, et vous ne voulez pas croire aux géants d'Homère qui entassèrent 3 montagnes les unes sur les autres pour escalader le ciel. Le décalogue ne contient que des préceptes vulgaires. Le dieu des Hébreux est un dieu jaloux qui n'en souffre point d'autre. Galiléens, vous donnez un prétendu fils à ce dieu qui ne le connut jamais. Quel est ce dieu toujours en courroux qui, voulant punir quelques hommes coupables, fait périr 100 000 innocents? Comparez le législateur des Hébreux au législateur de la Grèce et de Rome, aux grands hommes de l'Égypte et de la Babylonie. Qu'est-ce que ce Jésus suborneur des plus vifs d'entre les Juifs et qui n'est connu que depuis 300 ans? Ce Jésus qui n'a rien fait dans le cours de sa vie, si ce n'est de guérir quelques boiteuses et quelques démoniaques. Esculape est un tout autre sauveur de l'humanité. L'inspiration divine envoyée par les dieux n'a qu'un temps. Les oracles fameux cessent dans la révolution des âges. Les Galiléens n'ont pris des Hébreux que leur fureur et leur haine contre l'espèce humaine. Ils ont renoncé au culte d'un seul Dieu pour adorer des hommes misérables. Comme la sangsue, ils ont sucé le sang le plus corrompu des Juifs et leur ont laissé le plus pur. Jésus et Paul n'ont pu prévoir les chimères que se formeraient un jour les Galiléens. Ils ne pouvaient deviner le degré de puissance où ceux-ci parviendraient un jour. Trompés quelques servantes, quelques esclaves ignorants, Paul et Jésus n'avaient pas d'autres prétentions. Peut-on citer sous le règne de Tibère et de Claude des chrétiens distingués par leur naissance ou leur mérite? L'eau du baptême n'ôte point la lèpre et les dartres, ne guérit ni la goutte ni la dysenterie, mais elle efface l'adultère, la rapine et nettoie l'âme de tous les vices. Si le Verbe est Dieu venant de Dieu, comment Marie, femme mortelle, a-t-elle enfanté un Dieu? Ni Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni Marie n'ont osé dire que Jésus fut un Dieu. Mais quand dans la Grèce et dans l'Italie, un grand nombre de personnes l'eurent reconnu pour tel, qu'elles eurent commencé à honorer les tombeaux de Pierre et de Paul, alors Jean déclara que le Verbe s'était fait chair et qu'il avait habité parmi nous. Cependant, quand il nomme Dieu et le Verbe, il ne nomme ni Jésus ni Christ. Jean doit être regardé comme la source de tout mal. Viennent après ceci quelques considérations sur le sacrifice d'Abraham. Plusieurs choses vous auront frappé dans cet ouvrage tronqué de Julien. Les miracles de Jésus-Christ y sont avoués, les hommages rendus au tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul reconnus, le silence des oracles attesté. Saint-Jean, y est-il dit, a fait tout le mal. Cela signifie qu'il a énoncé la doctrine du Verbe et qu'il n'y a pas moyen de soutenir que cette doctrine, établie par le disciple bien-aimé, a été empruntée 2 siècles plus tard à l'école d'Alexandrie. Du reste, l'attaque est faible. Julien ne veut voir ni ce qu'il y a de sublime dans les livres de Moïse, ni d'ineffable dans l'Évangile. Ses raisonnements tournent à la gloire de ce qu'il prétend ravaler. Comment se fait-il que sous Claude et sous Tibère, à la naissance même de l'ère chrétienne, le christianisme compta à peine pour néophytes quelques servantes et quelques esclaves, et qu'immédiatement après, l'apôtre Jean voit la Grèce et l'Italie couvertes de chrétiens et honorant les tombeaux de Pierre et de Paul? Julien ne s'aperçoit pas qu'il prête par ce rapprochement une nouvelle force au miracle de l'établissement du christianisme. La cause humaine de la propagation étonnante de la foi, c'est que la première de toutes les vérités, la vérité qui enfante toutes les autres, la vérité de l'unité d'un Dieu, était venue détrôner le premier de tous les mensonges, le mensonge qui engendre toutes les erreurs, le mensonge de la pluralité des dieux. Une fois cette vérité répandue dans la foule après une absence de plusieurs milliers d'années, elle agit sur les esprits avec son essentielle et négative énergie. Julien, persécuteur d'une nouvelle sorte, affecta de substituer au nom de chrétien celui de Galiléen, dont s'étaient déjà servis Épictète et quelques hérésiarques. Joignant la moquerie à l'injustice, il dépouillait les disciples de l'Évangile en disant « Leur admirable loi leur enjoint de renoncer au bien de la terre afin d'arriver au royaume des cieux, et nous, voulant gracieusement leur faciliter le voyage, ordonnons qu'ils soient soulagés du poids de tous les biens. » Quand les chrétiens s'osaient plaindre, ils répondaient « La vocation d'un chrétien n'est-elle pas de souffrir ?» Beaucoup d'édifices païens avaient été détruits sous le règne de Constance, d'autres changés en église. Julien força le clergé de rendre les uns et de relever les autres. Les intérêts acquis, se trouvant attaqués, produisirent des désordres. Marc, évêque d'Arétuse, à la tête de son troupeau, avait renversé un temple. Trop pauvre pour en restituer la valeur, on saisit le prélat en vertu de la loi romaine qui livre aux créanciers la personne du débiteur insolvable. Battu de verge, la barbe arrachée, le corps nu et frotté de miel, le vieillard suspendu dans un filet fut exposé sous les rayons d'un soleil ardent à la piqûre des mouches. Marc avait dérobé Julien enfant aux fureurs de Constance comme Joad avait soustrait Joas aux mains d'Athalie. Il fut traité de même que Joad par le prince, ingrat envers le pontife et infidèle au Dieu qui l'avait sauvé. Décidé à rendre au temple et au bois de Daphné son ancienne pompe, Julien fit enlever les reliques de Saint Babylas du cimetière chrétien. le peuple se mutina, le temple d'Apollon fut brûlé, l'empereur irrité ordonna à son oncle Julien, comte d'Orient, et aposta comme lui, de fermer la cathédrale d'Antioche et de confisquer ses revenus. Le comte mit en interdit les autres églises, souilla les vases sacrés et condamna à mort saint Théodoré. Gaza, Ascalon, Césarée, Héliopolis, la plupart des villes de Syrie, se soulevèrent contre les chrétiens, non par ardeur religieuse, mais par cupidité, haine et envie. Après avoir déterré les morts, on tua les vivants. On traîna dans les rues des corps déchirés. Les cuisiniers perçaient les victimes avec leurs broches, les femmes avec leurs quenouilles. Les entrailles des prêtres et des recluses furent dévorées par des cannibales ou jetées mêlées d'orge aux pourceaux. Quelques serviteurs du Christ périrent, égorgés sur les autels des dieux. Mais il est une chose difficile à croire, même sur le témoignage de deux saints et de deux hommes illustres, le lit de l'Oronte, des puits, des caves, des fossés, des étangs demeurèrent encombrés, disent-ils, par les corps des martyrs nuitamment exécutés ou par ceux des nouveau-nés et des vierges que l'empereur immolait dans ses opérations magiques. Les premiers chrétiens avaient été accusés de sacrifier des enfants. La calomnie était renvoyée à Julien. Théodoré raconte que Julien, marchant sur la Perse, vint à Carre, où Diane avait son temple. Il se renferma dans ce temple avec quelques-uns de ses confidents les plus intimes. Lorsqu'il en sortit, il en fit sceller les portes, y mit des gardes et défendit de laisser pénétrer personne dans l'intérieur de l'édifice jusqu'à son retour. Il ne revint point, on rouvrit le temple. Qu'y trouva-t-on ? Une femme pendue par les cheveux, les mains déployées et le ventre fendu. Julien, en cherchant l'avenir dans le sein de cette victime, y avait fait entrer la mort. Elle y resta pour lui. Le sincère fanatisme de ce prince et la familiarité des Romains avec le meurtre, qu'autorisait l'ancien droit paternel, le droit de l'esclavage, le pouvoir du glaive et celui du juge souverain dans le chef absolu de l'Empire, donnent de la vraisemblance au récit de Théodoré. Amiens, admirateur de Julien, l'accuse d'avoir été plus superstitieux que religieux. Auguste et Claude avaient défendu les sacrifices humains, mais dans la législation du despotisme, ce qui est interdit au peuple est permis aux tyrans. Le prince qui crée le crime, qui fait la loi et l'applique, est au-dessus de l'un et de l'autre. Julien méditait contre les chrétiens un plan de persécution digne d'un sophiste. Il en avait remis l'exécution à son retour de la guerre des Perses. Il lui fallait un triomphe pour faire de l'injustice avec de la gloire, exclusion des Galiléens de tous les emplois, interdiction des tribunaux, nécessité d'offrir de l'encens aux idoles afin de conserver le droit de plaider ou même d'acheter du pain. Tel était le dessein que la haine philosophique, la jalousie littéraire et l'amour-propre blessé avaient inspiré à l'apostat. Un trait caractéristique de l'histoire du peuple qui nous occupe est cette privation de la justice toujours ordonnée comme la plus grande peine qu'on pût infliger à un citoyen. La société chez cette nation magistrale était pénétrée de la loi et incorporée avec elle. Les fastes de l'Empire étaient un grand recueil de jurisprudence, le monde romain un grand tribunal. Julien régna 20 mois, 16 ou 23 jours, depuis la mort de Constance. Enflé de ses succès contre les Francs, fier de ses ambassadeurs qu'il recevait des peuples les plus éloignés, tels que ceux de la Taprobane, il refusa la paix que lui offrait Sapor. Ce roi des rois, que la tiare avait coiffé jusque dans la nuit du Saint maternel, ce frère du soleil et de la lune, poursuivait avec acharnement les chrétiens, peut-être par animosité contre le frère aîné, dont il avait usurpé le trône, Hormisdas, l'exilé et le chrétien. On a évalué à 290 000 le nombre des victimes immolées dans les états de Sapor. Celui qui voulait détruire les disciples de l'Évangile par la loi et celui qui les livrait à l'épée allait en venir aux mains. La Providence armait l'apostat contre le persécuteur. Julien se croyait si sûr de la victoire qu'il refusa l'alliance des Sarrasins. Il traita avec hauteur Arsas, roi d'Arménie, dont il réclamait néanmoins l'assistance. Arsas professait le christianisme. Une grande famine, augmentée encore par une fausse mesure sur les blés, avait régné à Antioche. Le rassemblement d'une nombreuse armée accrut le fléau. quelque chose semblait pousser Julien, et dans une entreprise militaire d'une si haute importance, on ne reconnaissait plus ses talents accoutumés. Il avait dédaigné d'attaquer les Goths, c'était la Perse qu'il se flattait de conquérir comme Alexandre. Il n'eut que la gloire d'y mourir, comme Socrate, toujours en présence de ses souvenirs, ses actions les plus nobles ne paraissaient plus que de hautes imitations. Il liait de grands projets pour l'Empire et surtout contre la Croix, à cette conquête espérée. L'homme, dans ses desseins, oublie de compter l'heure qu'il ne verra pas. Julien s'avança dans le pays ennemi, comme s'il eût craint que sa philosophie n'eût fait soupçonner son courage. Il s'exposait sans ménagement, il se laissa tromper par des transfuges, brûla sa flotte sur le Tigre, hésita sur le chemin qu'il avait à prendre, car il voulait voir la plaine d'Arbel. Bientôt manquant de vivres, harcelé par la cavalerie des Perses, il est obligé de commencer la retraite. Prêt de succomber avec son armée, il donnait encore à l'étude et à la contemplation les heures les plus silencieuses de la nuit. Dans une de ces heures solitaires, comme il lisait ou écrivait sous la tente, le génie de l'Empire qu'il avait déjà vu à Lutèce avant d'avoir été salué Auguste se montra à lui. Il était pâle, défiguré, et s'éloigna tristement en couvrant d'un voile sa tête et sa corne d'abondance. Julien se lève, s'empresse d'offrir une libation au dieu. Il aperçoit une étoile qui traverse le ciel et s'évanouit. Le pieux serviteur de l'Olympe croit reconnaître dans ce météore l'astre menaçant du dieu Mars. Le lendemain, lorsqu'il combattait sans cuirasse à la tête de ses soldats, une javeline lui rase le bras, lui perce le côté droit et pénètre dans la partie inférieure du foie. Il tombe de cheval, défaille, et quand il rouvre les yeux, il juge, malgré les soins de l'habile Oribase, que sa blessure est mortelle. Un général atteint au champ de bataille expire sur des drapeaux, noble lit, mais que l'honneur accorde souvent à ses fidèles. Ici se présente un spectacle sans exemple. Julien, étendu sur une natte, recouverte d'une peau, sa couche ordinaire, est entouré de soldats et de sophistes. Sa mort est la mort d'un héros, ses paroles sont celles d'un sage. « Ami, dit-il, le temps est venu de quitter la vie. Ce que la nature me redemande, débiteur de bonne foi, je le lui rends allègrement. Toutes les maximes des philosophes m'ont appris combien l'âme est d'une substance plus fortunée que le corps. Je sais aussi que les immortels ont souvent envoyé la mort à ceux qui les révèrent, comme la plus grande récompense. Les douleurs insultent aux lâches et cèdent aux courageux. J'espère avoir conservé sans tâche la puissance que j'ai reçue du ciel et qui en découle par émanation. Je remercie le Dieu éternel de m'enlever du monde au milieu d'une course glorieuse. Celui qui désire la mort lorsque le temps n'en est pas venu ou qui la redoute lorsqu'elle est opportune manque également de cœur. Je n'ai plus la force de parler. Je m'abstiens de désigner un empereur dans la crainte de me tromper sur le plus digne ou d'exposer celui que j'aurais jugé le plus capable si mon choix n'était pas suivi. En fils tendre et en homme de bien, je souhaite que la République trouve après moi un chef intègre. » Après avoir ainsi parlé d'une voix tranquille, il disposa de ses biens de famille en faveur de ses intimes et s'enquit d'Anatolius, maître des offices. Le préfet Salluste répondit qu'Anatolius était heureux. Julien comprit qu'il avait été tué, il déplora la mort d'un ami, lui si indifférent à la sienne. Ceux qui l'entouraient fondaient en larmes, Julien les réprimanda, disant qu'il ne convenait pas de pleurer une âme prête à se réunir au ciel et aux astres. On fit silence, il continua de discourir de l'excellence de l'âme avec les philosophes Maxime et Priscus. Sa blessure se rouvrit, il demanda un peu d'eau froide et expira sans effort au milieu de la nuit. Il n'était âgé que de 33 ans, il avait été 20 ans chrétien. S'il est vrai, comme on l'a voulu faire entendre, et comme le caractère de l'homme porterait à le soupçonner, que Julien, calculant les événements de sa vie, avait préparé d'avance son discours de mort, on n'a jamais si bien répété un si grand rôle. L'acteur égalait le personnage qu'il représentait. Les deux religions en présence luttèrent de prodiges dans les versions opposées des derniers moments de l'empereur. Théodoret, Sozomène, le compilateur des actes du martyr de saint Théodoret, prêtre d'Antioche, disent que Julien blessé reçut son sang dans ses mains et le lança vers le ciel en s'écriant tu as vaincu, Galiléen. D'autres prétendent qu'il se voulait précipiter dans une rivière afin de disparaître comme Romulus et de se faire passer pour un dieu. D'après les actes de Théodoret, ce ne furent point des Perses mais des anges sous la figure des Perses qui combattirent Julien. La manière dont il périt devint encore un objet de controverse. Les Romains assuraient que la javeline avait été lancée par un Perse, les Perses par un Romain. Libanius avance dans un de ses ouvrages que l'empereur fut tué en trahison comme Achille. Dans un autre, il semble accuser le chef des chrétiens qui, selon Gibbon, ne pouvait être que saint Athanase. La vie de saint Basile et la chronique d'Alexandrie contiennent l'histoire d'une vision de ce saint, de laquelle il résulterait que Mercure, martyr de Cappadoce, avait frappé Julien par ordre de Jésus-Christ. Didyme, célèbre aveugle, Julien s'abasse, fameux solitaire, eurent des révélations de la même nature. Didyme aperçut en songe des guerriers montés sur des chevaux blancs courant dans l'air et qui s'écriaient « Dites à Didyme qu'aujourd'hui, à cette heure même, Julien a été tué. » S'abasse entendit une voix qui prononçait ces mots « Le sanglier sauvage qui ravageait la vigne du Seigneur est étendu mort. » Libanius, demandant à un chrétien d'Antioche « Que fait aujourd'hui le fils du charpentier ?»« Un cercueil, » répondit le chrétien. La plupart de ces faits sont contestés et très contestables, mais il s'agit moins de la critique historique à cette époque que de la peinture du mouvement des esprits. Les païens furent consternés en apprenant la fin prématurée du restaurateur de l'idolâtrie. « Je me souviens, » dit saint Jérôme, qui étant encore enfant et étudiant la grammaire, lorsque toutes les villes fumaient des feux des sacrifices, la nouvelle de la mort de Julien se répandit tout à coup. Un philosophe s'écriant « Les chrétiens déclarent que leur Dieu est patient, et rien n'est aussi prompt que sa colère. » Grégoire de Nazianze commence et termine ses invectives contre Julien par une sorte d'hymne où respire une joie aussi féroce qu'éloquente. « Peuple, écoutez, soyez attentifs, vous tous qui habitez l'univers. J'élève de ce lieu, comme du haut d'une montagne, un cri immense. Écoutez, nations, écoutez, vous qui êtes aujourd'hui et vous qui viendrez demain. Anges, puissance, vertu, écoutez. La destruction du tyran est votre ouvrage. Le dragon, l'apostat, le grand et redoutable génie, l'ennemi du genre humain, qui répandait partout la terreur, qui vomissait des blasphèmes contre le ciel, celui dont le cœur était encore plus souillé que la bouche n'était impure, est tombé. Cieux et terre, prêtez l'oreille au bruit de la chute du persécuteur. Venez aussi, généreux athlètes, défenseurs de la vérité. Vous qui avez été donnés en spectacle à Dieu et aux hommes, approchez, vous qui fûtes dépouillés de vos biens. Accourez, vous qui, injustement bannis de votre patrie terrestre, avez été arrachés des bras de vos femmes et de vos enfants. Enfin, je convoque à ces réjouissances tous ceux qui confessent un seul Dieu, souverain maître de toutes choses. C'est ce Dieu qui a exercé un jugement si éclatant, une vengeance si prompte. C'est le Seigneur qui a percé la tête de l'impie. Dans les saints transports qui m'animent, il n'est point de paroles qui répondent à la grandeur du bienfait. Nous verrons un jour combien les supplices de Julien damné sont au-dessus de ce que l'esprit humain se peut figurer de tourment. Ô homme, qui te disais le plus prudent et le plus sage des hommes, voilà l'oraison funèbre que Grégoire et Basile prononcent sur ton cercueil. Ô toi, qui nous avais interdit l'usage de la parole, comment es-tu tombé dans le silence éternel? Si Antioche se réjouit par des festins et des danses, si la victoire de la croix fut non seulement célébrée dans les églises, mais sur les théâtres, si l'on s'écriait « Où sont vos oracles ?» insensé Maxime, Acar, le courrier porteur du fatal message fut lapidé. Quelques villes placèrent l'image de Julien parmi celles des dieux et lui rendirent les honneurs divins. Libanius se voulut percer de son épée et se résolut à vivre pour travailler à l'apologie d'un prince dont Grégoire de Nazianze devait écrire la satire. La louange est plus à l'aise que le blâme sur un tombeau. Tel est l'emportement du fanatisme qu'un saint, un père de l'Église, un homme supérieur par ses talents, n'a pas craint d'avancer que Julien avait fait empoisonner Constance. Le corps de Julien, transporté à Tarse, fut enterré en face du monument de Maximin d'Aillan. Le chemin qui conduit au défilé du Montaurus séparait les sépulcres des deux derniers persécuteurs des chrétiens. Les funérailles eurent lieu selon les rites du paganisme, des bouffons chantaient des airs funèbres, un personnage représentait le mort, et les baladins prenaient plaisir, au milieu de leurs danses et de leurs lamentations, à se moquer de la défaite et de l'apostasie de l'ennemi des théâtres. Le chrétien Grégoire de Nazianze plaint la ville de Tars condamnée à garder la poussière de l'adorateur des démons, poussière qui s'agitait et que la terre rejeta. Le philosophe Libanius eût désiré saluer la dépouille mortelle de Julien auprès de celle du divin Platon dans les jardins de l'Académie. Le soldat amien Marcelin souhaitait que les cendres de son général fussent baignées non par le Cytnus, mais par le Tibre, qui traverse la ville éternelle et embrasse les monuments des anciens Césars. Toutefois, la tombe de Julien au bord du Cytnus, si renommée par la fraîcheur de ses ondes, devint une espèce de temple. Une main amie y grava cette épitaphe. « Ici repose Julien, tué au-delà du Tigre, excellent empereur, vaillant guerrier. » Le polythéisme en était à son tour réduit aux reliques et à pleurer dans ses sanctuaires abandonnés. En dédaignant le faste de la cour de Constance, en recevant d'une armée mutinée le titre d'Auguste, Julien avait rendu momentanément le droit d'élection aux seuls soldats. Ils s'assemblèrent après sa mort, pressés de se donner un chef. Ils offrirent la pourpre au préfet Salluste, qui rejeta cet honneur. Vous avez pu remarquer que l'on commençait à refuser assez fréquemment l'autorité suprême. Jusqu'au règne de Commode, l'Empire était la possession de tous les plaisirs dans le repos. Mais, après ce règne, le César ne fut plus qu'un soldat courant les armes à la main du Rhin à l'Euphrate et du Nil au Danube, combattant ou repoussant l'ennemi, domestique ou étranger. Le pouvoir, qui cessait d'être une jouissance, devint un fardeau. La médiocrité était toujours prompte à le mettre sur ses épaules, le mérite à le secouer. À défaut de Salluste, les légions élurent empereur Jovien, primissaire des gardes, dont le nom avait été prononcé par hasard. Il était chrétien et catholique comme Valentinien, il avait préféré comme lui sa foi à son épée. Mais Julien, qui le redoutait peu, consentit à lui laisser l'une et l'autre. Jovien s'était trouvé chargé de conduire à Constantinople le corps de Constance, mort à Mopsucrène. Assis dans le char funèbre, il avait partagé les honneurs impériaux rendus à la poussière de son maître. On en augura sa grandeur future. On y aurait pu trouver le présage de son second et prochain voyage sur le même char. Jovien signa une paix de 29 ou de 30 ans et conclut un traité honteux avec Sapor. Il céda aux Perses 5 provinces transtigritaines, la colonie romaine de Singar et la ville de Nisibé. Malgré ses larmes, malgré son dernier siège, retracé éloquemment par Julien dans l'un de ses deux panégyriques de Constance, obligé de livrer à Sapor les murs qu'ils avaient si vaillamment défendus contre lui avec Jacques leur évêque, les Nisibiens, chassés de leur foyer, dépouillés de leurs biens, offrirent encore à l'auteur de leur exil la couronne d'or que chaque ville était dans l'usage de présenter aux nouveaux empereurs, exemple touchant d'une fidélité qui ne se croyait pas affranchie de ses devoirs par l'ingratitude. Jovien rendit la paix à l'Église et rappela saint Athanase. Ainsi s'évanouirent tous les projets de Julien. Il entreprit d'abattre la croix et il fut le dernier empereur païen. L'hellénisme retomba de tout le poids des âges dans la poudre d'où l'avait soulevé à peine une main mal guidée. Les philosophes se rasèrent, jetèrent leurs robes et se contentèrent d'enseigner en silence ou de gémir sur les générations qui leur échappaient. On craignait tellement d'être pris pour l'un d'eux que les citoyens qui portaient des manteaux à franges les quittèrent. Julien s'était porté à la conquête des Perses afin de revenir dompter les chrétiens. Cette guerre, qui devait renverser le trône du grand roi, amena le premier démembrement de l'Empire des Césars. Il a fallu vous rappeler en détail cette dernière épreuve de l'Église parce qu'elle fait époque et qu'elle se distingue des autres. Elle tient d'une civilisation plus avancée. Elle a un air de famille avec l'impiété littéraire et moqueuse qu'un esprit rare répandit au XVIIIe siècle. Mais l'impiété de l'empereur, qui pouvait ordonner des supplices, ne laissa aux chrétiens que des couronnes, et l'impiété du poète, qui n'avaient pas la puissance du glaive, leur légua des échafauds. La persécution de Julien ne sortit point du paganisme populaire. Elle vint du paganisme philosophique, demeuré seul sur le champ de bataille, ayant pour chef un cynique à manteau de pourpre, qui portait le vieux monde dans sa tête et l'empire dans sa besace. Mais, dans la lice où les deux parties cherchaient à s'enlever des champions, les hommes de talent passèrent successivement, avec leur génie et leur vertu, au christianisme. Comme les soldats qui désertent avec armes et bagages à l'ennemi, l'autre camp ne voyait arriver personne. Constantin était un prince inférieur à Julien, et pourtant il a attaché son nom à l'une des plus mémorables révolutions de l'ordre social. C'est qu'abstraction faite de ce qu'il peut y avoir de surnaturel dans l'établissement de la religion chrétienne, il se mit à la tête des idées de son temps, marcha dans le sens où l'espèce humaine marchait, et grandit avec les mœurs croissantes qui le poussaient. Julien, au contraire, se fit écraser par les générations qu'il prétendait retenir. Elles le jetèrent par terre malgré sa force et lui passèrent sur la poitrine. Eût-il vécu, il aurait ralenti le mouvement. Il ne l'eût pas arrêté. Le calvaire nu, par où l'esprit de l'homme allait maintenant chercher la vérité de Dieu, devait dominer tous les temples. Les soins inutiles que se donna une vaste intelligence, un monarque absolu, un guerrier redoutable pour rétablir l'ancien culte, prouve qu'il n'est pas plus possible de ressusciter les siècles que les morts. 150 ans auparavant, Pline le Jeune avait aussi pensé qu'on pouvait extirper le christianisme. La tentative rétrograde de Julien, événement unique dans l'histoire ancienne, n'est pas sans exemple dans l'histoire moderne. Toutes les fois qu'ils ont voulu rebrousser le cours du temps, ces navigateurs en amont, bientôt submergés, n'ont fait que hâter leur naufrage. Jovien ramena du désert des soldats sans vêtements, mendiant leur pain. Le légionnaire, qui avait conservé un morceau de sa pique ou de son bouclier, ou qui rapportait un de ses brodequins sur son épaule, magnifiait son courage. Ainsi auraient été les Perses si Julien avait vécu, dit Libanius. La fin de la retraite de l'armée fut le terme de la vie de Jovien. Sa femme venait au-devant de lui pour partager sa pourpre. Elle rencontra son convoi. Les officiers civils et militaires, les eunuques et l'armée voulurent décerner le diadème à Salluste, qui le refusa une seconde fois. L'élection, après la proposition de divers candidats, s'arrêta sur Valentinien, confesseur de la foi sous Julien. Il était sans lettres, mais avait une naturelle éloquence. 30 jours après son élévation, il associa son frère Valence à l'Empire, nom fatal, qui rappelle la dernière et définitive invasion des barbares. Alors eut lieu, et pour toujours, la division de l'Empire d'Orient et de l'Empire d'Occident. Valentinien établit sa cour à Milan, Valence à Constantinople. Les deux frères quittèrent le château de Mediana, à 3 000 de Naïs, où s'était accompli le partage du monde romain. Ils allèrent ensemble à Sirmium. Là, ils s'embrassèrent, se séparèrent et ne se revirent plus. Fin de la section 32.